l'inspecteur des impôts, Yvan, eh bien, c'est une vache. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Evelyne? Que c'est un magnifique quadrupède qui donne du lait? Non, c'est pas ça. Hein. Non, pas vraiment. Je veux dire qu'il est allé mettre son nez dans mes comptes, qu'il m'a fait un redressement, mais... Il vous a fait un redressement? Eh oui. Pour être vache, il est vache. Et puis, pas un petit redressement, c'est-à-dire qu'il est extrêmement sévère, et cela peut se dire, attention, de manière extrêmement familière, avec toute personne qui est un peu chargée de vous contrôler, de vous surveiller, un professeur, un magistrat, un inspecteur des finances. Enfin quoi, j'avais tué que 3 personnes, et puis ce juge m'a collé 7 en ferme. Oh, il est vache, hein? Bon, on voit bien que ce mot de vache, d'abord, est utilisé de façon figurative, ensuite très familière, vous venez de le dire. En troisième lieu, on peut remarquer qu'il est utilisé comme un adjectif. Il est vache, elle est vache. Il n'a pas eu son bac parce qu'il est tombé sur un examinateur qui vraiment a été vache. Il ne savait pas la capitale de l'Allemagne, bah, ça peut arriver à tout le monde, hein. En revanche, si je vous dis, oh Yvan, sois pas vache, viens avec moi au cinéma ce soir. Vous voyez qu'ici, en employant simplement une forme négative, je signifie autre chose. Faites-moi plaisir, accédez à ma demande. Oui, ça ne veut pas dire indulgence, qui serait le contraire absolu du sens de vache qu'on évoquait tout à l'heure. Une vache, bah, c'est toujours péjoratif hein, dans les sens figurés. Pendant longtemps, ça a désigné d'ailleurs les policiers. Et encore maintenant... Uniquement dans une expression toute faite, hein, qui est « mort aux vaches », c'est-à-dire « mort aux flics, mort aux policiers », là encore, bien sûr que c'est familier, si vous êtes dans un commissariat, n'allez pas dire « mort aux vaches », je ne vous le conseille pas, hein. Mais cette expression est encore comprise. Mais le sens de « vache » comme « policier » est assez désuet. En revanche, si vous dites de quelqu'un que c'est une peau de vache, on comprendra parfaitement que vous insistez et que vous montrez par là que la méchanceté est foncière. Hein. Exactement, c'est la peau qui renforce la vache et la vache qui renforce la peau, les deux mots sont péjoratifs. Mais une chose est étonnante avec cette expression de vache, de temps en temps, si l'on dit « Oh la vache !» Imaginez qu'on joue au domino. Vous avez mis un 2-5 pour me coincer. « Oh la vache !» Eh bien, dans cette expression, je suis à mi-chemin entre l'injure et l'interjection. Qui c'est la vache? C'est vous? Ou bien c'est le coup que vous m'avez fait? C'est presque comme si on disait « Oh mince, je peux plus jouer. Oh la vache !» Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vraiment me frapper parce que c'est assez familier dans l'ensemble et qu'on ne peut pas dire que ce soit extrêmement méchant. Donc je ne le prendrai pas comme une injure, mais plutôt comme une interjection. Vous voulez dire que vous ne le prendrez pas comme une vacherie? Voilà un autre mot, familier tout de même que les précédents, qui a été formé sur le mot vache. Une vacherie, c'est une perfidie. Là, on voit tout de même qu'on a franchi un petit cran de sens, hein. Perfidie très souvent déguisée sous une forme de gentillesse. D'ailleurs, par définition, la perfidie, c'est ça. J'ai vu Marilyn hier, elle m'a dit « J'espère que tu prends bientôt des vacances, hein, parce que t'es tout blanc, t'as l'air un petit peu fatigué. » Au début, j'ai cru qu'elle me voulait du bien. Mais au bout de 5 secondes, j'ai compris qu'elle était perfide en diable. C'était une vacherie. Elle est assez vacharde, cette Marilyn. Elle vous a dit des vacheries, elle est vacharde, et non pas elle est vache. Hein. On sent qu'il y a une nuance entre les deux adjectifs. Et pour finir, nous allons faire un sort à l'adverbe « vachement », qui, il faut bien le dire, était très en vogue dans les années 60, qu'il l'est un peu moins, qui n'a pas vraiment de rapport avec la vache, c'est tout simplement un intensif, ça veut dire beaucoup. Marilyn, elle est un petit peu perfide, mais quand même, elle est vachement jolie.